Chapitre 5e. Voilà le monsieur que vous avez demandé, dit le garçon blême aux cheveux roux en introduisant Watkins Tuttle anéanti auprès de Gabriel Parsons. Le malheureux détenu fit quelques pas en avant. Son visage morne témoignait d'une résignation passive. Il accepta la main que monsieur Gabriel Parsons lui tendait. J'ai à vous parler, dit Gabriel en exprimant par un regard des plus expressifs le dégoût que lui inspirait son entourage. « De ce côté, » répondit le prisonnier, qui prit le chemin du salon dont les débiteurs fortunés pouvaient disposer, moyennant une coupe de guinées par jour. « Eh bien, m'y voilà, » dit Watkins Tuttle en s'asseyant sur le canapé. Il appuya la paume de ses mains sur ses genoux et entouragea du regard avec anxiété la contenance de son ami. « Oui, et vous y resterez selon toute apparence, » reprit froidement Gabriel, en faisant tinter l'argent de ses poches et en regardant dehors par la fenêtre. « Quel est le montant avec les frais ?» demanda Parsons avec hésitation. « 37 livres sterling, 3 shillings 10 pence. Avez-vous de l'argent ?»« 9 shillings 6 pence. » Monsieur Gabriel Parsons parcourut le salon de long en large pendant quelques secondes avant de se décider à révéler le plan qu'il avait conçu. Il savait mener à bien les marchés scabreux, mais il s'appliquait de son mieux à dissimuler son âpreté. À la fin, cependant, il s'arrêta brusquement et dit « Tuttle, vous me devez 50 livres. Je vous les dois. Et de tout ce que je vois, je conclus que vous me les devrez longtemps. Je le crains. Vous seriez très disposé à me les payer si vous le pouviez, assurément. Écoutez alors. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Vous connaissez de longue date ma manière d'agir. Il faut l'admettre, c'est à prendre ou à laisser, oui ou non. Je paierai le principal et les frais, et je vous prêterai 10 livres en plus. Cette somme, jointe à votre revenu, vous permettra de mener à bien la guerre. Je ne vous demande en échange que de me souscrire un billet de 150 livres payable 6 mois après votre mariage avec Miss Lillerton. Mon cher, attendez, j'y mets une condition. Vous ferez sur le champ votre demande. Sur le champ, mon cher Parsons, réfléchissez. C'est à vous de réfléchir et pas à moi. Si elle ne vous connaît personnellement que depuis peu, en revanche, elle vous connaît depuis longtemps de réputation. En dépit de sa modestie toute virginale, je crois qu'elle serait diantrement heureuse d'être mariée, et cela tout de suite. Ma femme l'ayant sondée à ce propos, elle l'a confessé. « Quoi ? Elle a confessé quoi ?» interrompit anxieusement l'amoureux Watkins. « En vérité, » reprit Parsons, « dire d'une façon précise ce qu'elle a confessé serait assez difficile. Elles n'ont parlé que par sous-entendu et à voix basse. Mais ma femme, qui n'est pas mauvais juge en pareille matière, m'a déclaré que la confession qu'elle avait entendue équivalait à ceci, qu'elle avait su apprécier vos mérites et n'y était pas insensible. Enfin, qu'elle ne sera nul autre qu'à vous. » Monsieur Watkins se leva brusquement et sonna. « Qu'est-ce que vous faites là ? » demanda Parsons. « Je vais en vous y chercher du papier timbré, » répondit Monsieur Watkins Tuttle. « Alors, votre parti est pris ? » ?»« Absolument. » Et ils s'étreignirent cordialement. Malvé fut donné, le principal et les intérêts furent payés. Les gratifications furent distribuées et les deux amis ne tardèrent pas à se trouver à leur grande joie sur la chaussée. « Maintenant, » dit M. Gabriel Parsons, comme ils roulaient tous deux dans la direction de Norwood, « ne manquez pas de parler ce soir, Tuttle. Vous aurez l'occasion de faire votre déclaration. »« je parlerai, » reprit Watkins, plein d'enthousiasme. « Quel plaisir j'aurai à vous voir ensemble, » s'écria M. Gabriel Parsons, « la bonne plaisanterie. » Il se mit à rire si longtemps et si fort qu'il déconcerta M. Watkins Tuttle et effraya le cheval. « Je vois Fanny et votre promis sur la pelouse, » dit Gabriel, comme ils approchaient de la maison. « Préparez vos plus doux regards, Tuttle. »« Ne craignez rien, » répondit Watkins résolument, en se dirigeant vers l'endroit où se promenaient les dames. « Voici M. Tuttle, ma chère, » dit Mrs. Parsons à Miss Lillerton. La dame se retourna vivement et reçut son salut courtois avec confusion, comme au jour de leur première entrevue, avec une légère teinte de désappointement ou d'insouciance en plus, peut-être. Avez-vous remarqué combien elle a été heureuse de vous voir ? Elle avait plutôt l'air de désirer quelqu'un d'autre. « Allons donc !» reprit Parsons à voix basse. « Les femmes n'en font jamais d'autres, jeunes ou vieilles. Elles se refusent à laisser deviner la joie que leur apporte la présence de ceux qui font battre leur cœur. C'est leur manière d'être à toutes. Et pas un homme n'atteint votre âge sans le savoir. Fanny me l'a avoué je ne sais combien de fois au début de notre mariage. Voyez-vous ce que c'est que d'avoir une femme ? Certainement. soupira Tuttle, dont le courage diminuait de seconde en seconde. « Eh bien maintenant, vous devriez préparer la voie, » dit Parsons, qui ayant engagé quelque argent dans l'affaire, s'attribuait les fonctions de directeur. « Oui, oui, je vais m'y mettre, tout à l'heure, » répondit Tuttle, affreusement ahuri. « Mais dites-lui donc quelque chose, » reprit Parsons avec insistance. « Que le diable vous emporte, faites-lui un compliment, ne le pouvez-vous pas ?»« Pas maintenant, après le dîner, » bégaya le pudique Tuttle, anxieux de différer le mauvais moment. « En vérité, vous n'êtes guère aimable, messieurs, » dit Mrs. Parsons. « Vous disparaissez toute la matinée, sans souci des projets que nous avions formés, et vous ne rentrez que pour chuchoter ensemble sans vous préoccuper de nous davantage. Nous parlions de l'affaire, ma chère, de l'affaire qui nous a retenus ce matin, » reprit Parsons en lançant à Tuttle un regard significatif. « Pauvre de moi, comme la matinée a vite passé, » dit Miss Lillerton, appelant à son aide la montre d'or qu'elle tirait dans les grandes occasions. Qu'elle en eût besoin ou non. Elle a passé pour moi bien lentement, hasarda Tuttle à voix basse. Très bien, bravo, murmura Parsons. En vérité, dit Miss Lillerton d'un air de majestueuse surprise. Je ne puis l'imputer qu'à mon éloignement forcé de vous, madame, ajouta Watkins et de Mrs. Parsons. Durant ce court dialogue, les dames avaient repris le chemin de la maison. Pourquoi diantre avez-vous fourré Fanny dans votre dernier compliment ? Demanda Parsons. « Vous en avez gâté tous les faits. »« Il eût été vraiment trop brutal sans cela, beaucoup trop brutal. »« Ce garçon est fou, » dit à demi-voix Parsons à sa femme au moment où ils entraient ensemble dans le salon. « Il est positivement atteint de la pudibondomanie. »« Que me dites-vous là ? » s'écria la dame. « Je n'ai jamais entendu parler d'une folie pareille. »« Vous le voyez, c'est un dîner de famille que nous vous offrons, monsieur Tuttle, » dit Mrs. Parsons en prenant place à table. « Miss Lillerton est des nôtres et nous ne vous considérons pas comme un étranger. » Monsieur Watkins Tuttle exprima l'espoir que la famille Parsons ne la considérait jamais comme telle et il souhaita par lui que sa timidité ne le contraignît pas à se conduire en étranger, partout et toujours. « Enlevez les assiettes, Marthe, » dit Mrs. Parsons, absorbée par la direction du changement de décor. L'ordre fut exécuté et l'on vit aussitôt paraître, au bout de la table, une paire de volailles bouillies flanquées de langues de bœuf et de toutes sortes d'etc. Un filet de veau à l'autre extrémité, sur le flanc droit, deux terrines de faïence verte avec cuillère assortie, sur le flanc gauche, une giblotte dans sa sauce rousse relevée de citron. « Miss Lillerton, ma chère, » dit Mrs. Parsons, « vous servirai-je ? » ?»« Merci, non, j'aurai recours à M. Tuttle. » Watkins s'élança, tremblant de tous ses membres, saisit le lapin et brisa un verre. La contenance de la maîtresse du logis, souriante jusque-là, subit un changement affreux. « Désolé, » balbutia Watkins, qui, dans l'excès de sa confusion, se servit de tous les hors-d'œuvre dispersés sur la table. « Ne faites donc pas attention à cela, » reprit Mrs. Parsons sur un ton qui signifiait au contraire « Pourquoi n'avez-vous pas fait attention ?» Et pendant ce temps, elle dirigeait les recherches d'un petit balai à quatre pattes sous la table qui ramassait à tâtons les morceaux du verre cassé. M. Watkins Tuttle offrit à boire à Mrs. Parsons avec un à-propos qui, dans de telles circonstances, était vraiment extraordinaire. « Tuttle, mon cher, avez-vous jamais été dans le Suffolk ?» demanda le maître de la maison qui brûlait de l'envie de débiter une des sept histoires de sa collection. « Non, » répondit Watkins, et il ajouta en guise d'excuse, « mais j'étais dans le Devonshire. » « C'est dans le comté de Suffolk qu'une assez singulière monture m'est arrivée, il y a plusieurs années. » Me l'avez-vous jamais entendu raconter ? » M. Watkins Tuttle avait entendu 400 fois le récit de cette aventure. Il n'en témoigna que plus de curiosité. Gabriel Parsons entreprit de mener à bien son récit en dépit des interruptions qu'un maître de maison est exposé à subir en pareil cas. « Lorsque j'habitais le comté de Suffolk, enlevez d'abord la volaille, Marthe, » dit Mrs. Parsons. « Je vous demande bien pardon, mon cher. » « Lorsque j'habitais le comté de Suffolk, » reprit M. Parsons, lançant un regard d'impatience à sa femme, qui fit semblant de ne pas l'avoir remarqué. « Il y a maintenant pas mal d'années de cela. Mes affaires me conduisirent à Bury Saint-Edmond. Ayant à m'arrêter en chemin dans les principales villes, j'avais trouvé commode de voyager en cabriolet. Je quittais Pudbury par une nuit sombre, nous étions en hiver. Il pouvait être 9 heures du soir. La pluie tombait à torrents, le vent hurlait dans les arbres qui bordaient la route. J'étais obligé d'aller au pas. À peine pouvais-je reconnaître mes mains à distance, il faisait si noir. « John, » interrompit Mrs. Parsons d'une voix basse et caverneuse. « Ne renversez donc pas ce jus. »« Fanny, » dit M. Parsons impatienté, « je vous serai obligé d'ajourner ces reproches domestiques à un moment plus opportun. En vérité, ma chère, ces interruptions continuelles sont insupportables. »« Je ne vous ai pas interrompu, mon cher ami. »« Vous m'avez positivement interrompu. »« Vous n'avez pas le sens commun. » »« Mon chéri, il faut bien que je donne des ordres domestiques. » Je suis intimement convaincu que si je demeurais ici, tranquillement assise, à regarder John renverser le jus sur le tapis, vous seriez le premier à le trouver mauvais demain matin en voyant la tâche. « Comme vous voudrez, » reprit Gabriel résigné. « Je vous disais donc que la nuit était noire à ce point que je ne pouvais pas reconnaître mes mains à distance. La route était déserte. Je vous assure, Tuttle. » Ceci était un expédient destiné à ressaisir l'attention errante de son hôte, un instant détourné par une communication confidentielle que faisait à Mark Mrs. Parsons en lui remettant un gros trousseau de clés. « Je vous assure, Tuttle, que le sentiment de mon isolement m'impressionna profondément. »« Offrez du pâté à votre maître, » interrompit Mrs. Parsons, reprenant la direction du service. « Je vous en prie, ma chère, » soupira piteusement Gabriel. Mrs. Parsons leva les mains, leva les sourcils et fit silencieusement appel au témoignage de Miss Lillerton. Mais voilà qu'au détour d'une route, reprit Parsons, mon cheval se cabra épouvantablement. J'arrêtai, je sautai à terre, je courais à la tête de la bête, et je vis un homme étendu sur le dos, au beau milieu du chemin, les yeux fixes tournés vers le ciel. Je le crus mort, pas le moins du monde. Il était en vie, et me parut sain et sauf. Il se remit lestement sur pied, appuya sa main sur sa poitrine, et fixant sur moi le regard le plus anxieux que vous puissiez imaginer, s'écria. « Mettez là le pudding, » interrompit Mrs. Parsons. « Oh, il n'y a rien à faire, » s'écria le conteur, arrivé au comble du désespoir. « Voyons, Tuttle, un verre de vin, mon ami. Il faut renoncer à entreprendre un récit en présence de Mrs. Parsons. » Cette attaque fut reçue de la façon accoutumée. Mrs. Parsons s'adressa à Miss Lillerton dans le but détourné de harceler sa moitié. Elle s'étendit sur le mauvais caractère des hommes en général et sur celui de son mari en particulier. Elle donna à entendre que si elle n'avait pas eu le meilleur naturel qui se fût jamais rencontré, il lui eût été impossible de s'y faire. Ce qu'elle avait à supporter quelquefois dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. L'histoire commencée n'était plus qu'un douloureux souvenir. Monsieur Parsons refusa de l'achever. Il se borna à préciser que le malheureux dont il avait fait la rencontre sur le chemin de Bury Saint-Edmond était un maniaque qui venait de s'échapper d'une maison de fous du voisinage. On enleva la nappe. Les dames se retirèrent presque aussitôt. Miss Lillerton entreprit un morceau de piano dans le salon du dessus et le joua à tour de bras pour l'édification du visiteur. Les deux amis, demeurés seuls, jasèrent confortablement jusqu'à l'épuisement complet de la seconde bouteille. Après quoi, M. Gabriel Parsons, ayant offert à M. Watkins Tuttle de passer au salon, l'informa que sa femme et lui avaient formé le plan de le laisser seul avec Miss Lillerton aussitôt après le thé. « Franchement, » dit Tuttle en montant l'escalier. « Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait mieux de remettre ceci à demain, par exemple ? Ne pensez-vous pas qu'il eût mieux valu que je vous eusse laissé dans ce misérable trou où je vous ai trouvé ce matin ?» répliqua brusquement Parsons. « Bien, bien, ce n'était qu'une simple question, » répondit l'infortuné Tuttle avec un gros soupir. Le thé fut bientôt achevé. Miss Lillerton approcha du feu une table à ouvrage, plaça dessus un petit métier de bois. Quelque chose comme un moulin glaise, moins le cheval, et fut bientôt absorbé par la confection d'un porte-montre de soie brune. « Dieu me bénisse !» s'écria Parsons, se levant précipitamment et jouant à s'y méprendre la surprise. « J'ai oublié ces maudites lettres. Tuttle, je sais que vous m'excuserez. » Si Tuttle avait été libre, il n'eût, certes permis à personne et sous aucun prétexte, de quitter la chambre avant lui. Toutefois, au point où en étaient les choses, il dut prendre l'air radieux lorsque Parsons s'éloigna. À peine menait-il de partir que Marthe parut et lança un « S'il vous plaît, madame, on vous demande. » Mrs. Parsons, à son tour, quitta le salon dont elle ferma soigneusement la porte. Et M. Watkins Tuttle demeura seul avec Miss Lillerton.